Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Jadis, et naguère, plus qu'aujourd'hui, on devenait cinéphile dans une salle de cinéma, sans doute dans une salle dite d'art et d'essai. Une cinéphilie alimentée par des films français et étrangers. Américains, La fièvre dans le sang. Soviétique, Alexandre Nevsky. Italien, Rocco et ses frères. Liste non exhaustive, liste confiée par l'un des personnages du roman de Michel Grisolia, L'Excelsior, édition Flammarion. Cinéphile, le jeune héros de L'Excelsior, passionné de cinéma en tout cas. Michel Grisolia était l'invité de Claude Chebel le 2 février 1995 dans Un livre des voix, présenté par Claude Mourté. Avec Michel Grisolia, on est certain dès la première page de se retrouver dans le milieu du cinéma. Ou au cinéma. Ici, une salle de Nice. Une salle semblable à celle du bon vieux temps, l'Excelsior, titre du roman, aux éditions Flammarion. Le très jeune homme qui nous raconte l'histoire passe son temps, comme je suis sûr que Michel Grisolia a dû le faire, dans les salles obscures. On y fait de drôles de rencontres. Par exemple, celle du mystérieux Monsieur Kilby, qui pourrait bien être un assassin. Le vrai sujet du livre, c'est l'amitié de cet adulte et de cet adolescent. Une cascade de péripéties dangereuses, à la Hitchcock, ne les sépare pas, mais permet de souligner un autre côté du talent de Grisolia, celui du scénariste, qui sait à merveille tricoter une histoire et soutenir l'attention. Bref, dépêchez-vous de prendre votre ticket à L'Excelsior, Le Projectionniste et Claude Chebel. De film, son histoire aurait-elle pu prendre place ? Un film américain ? Anglais ? Italien ? Peut-être dans le film que nous avions vu quelques heures plus tôt. Il contemplait ses mains. Il les avait posées sur ses genoux, bien à plat, ouvertes. Ses mains, puissantes et soignées, m'ont rappelé les mains d'un acteur qui, dans je ne sais plus quel western, étranglait un chien-loup à la lueur du feu. Cet homme étranglait son chien parce que la femme qu'il aurait voulu étrangler ne se serait pas laissée faire. Elle s'appelle Irène. Pas la femme qui s'accrochait, non. La seule femme que j'aurais aimée dans ma vie. Irène. C'est un beau prénom ? Oui, très beau. Démodé, un peu rêche, si on peut dire cela d'un prénom. Irène. C'est une femme qui existe, tu sais. Pas comme moi. Espérait-il une protestation ? Je ne crois pas qu'il ait prononcé ces mots pour réveiller en moi quelque chose comme de la pitié. Devant mon silence, il a continué. Irène vit à Nice. Enfin, tout près de Nice. Elle et son compagnon exploitent une salle de cinéma. La salle où nous avons fait connaissance, toi et moi. Il n'y avait aucune chance pour... Il s'est interrompu un instant. Je m'embrouille, excuse-moi. Si j'avais osé, je me serais levé. Je serais allé dans la salle de bain me verser un verre d'eau et j'en aurais rapporté un à Monsieur Quilby. Je ne suis venu ici à Nice que dans l'intention de la revoir. La revoir juste une fois. Je lui ai écrit une lettre et elle a commis la faute d'y répondre. Alors j'ai pris le train et j'ai traversé la France. Il n'a pas dit d'où il venait. Peut-être un mensonge de moins. Seulement... Elle a refusé de vous revoir. Voilà. J'ai eu l'impression qu'il allait se mettre à pleurer. Je n'aurais pas détesté le voir pleurer. C'est si rare, un homme qui pleure, au cinéma ou dans la vie. Moi, cela ne me sera pas arrivé souvent. Je ne voulais pourtant pas la supplier de reprendre la vie à deux. C'était juste pour la voir, oui. Lui demander la permission de la voir une fois par an. Une fois par an, ce n'était pas exiger beaucoup. De lui parler au téléphone aussi, de temps en temps. De lui écrire une lettre ou deux dans l'année. Elle a refusé. C'est au téléphone que vous lui avez dit tout ça ? Pourquoi cette question, Fox ? Pour situer, Monsieur Quilby, pour situer. Je suis un visuel. Eh bien oui, c'est au téléphone. Et ça ne vous a pas suffi ? On voit que tu ne sais pas encore ce que c'est que l'amour. Il a penché la tête et m'a dévisagé d'une manière presque comique. Pourtant, il n'avait pas le cœur à rire, moi non plus. Mais là où il se trompait, c'est qu'à 15 ans, j'avais déjà une idée de ce que peut être l'amour. Car il y avait eu Hélène. Non, je ne vais pas parler d'Hélène maintenant. Bien sûr que non. Ça n'a pas suffi. Il a semblé retrouver le goût de parler, de se confier, le goût de se faire souffrir. J'ai pris un autocar et je me suis pointé chez elle. Ils habitent une petite maison entre Nice et Villefranche. Là-bas, c'est la moyenne corniche. Et je sais où c'est. Des environs que nous arpentions en famille autrefois le dimanche. Il y a des villas, des serres d'œillets face à la mer, de beaux terrains à bâtir sur lesquels, depuis, on a dû bâtir beaucoup, et des plantations d'oliviers en terrasse, s'il en reste. Michel Grisolia, l'Excelsior se passe dans les années 60, exactement en 1964. Votre héros narrateur a une quinzaine d'années à cette époque, comme vous d'ailleurs, il a dû naître à peu près en 1946. On est né, oui, à quelque chose, hein, à quelques mois. Quelque chose comme ça. À Nice aussi, quel hasard comme vous. Et c'est un passionné de cinéma, comme vous. Et tout ce récit à la première personne, c'est une sorte de contrepoint entre l'univers du cinéma et l'univers de la réalité, l'un et l'autre s'influençant fortement. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, c'est une époque, c'est l'âge d'or, c'est l'époque bénie du cinéma. Il y a l'Excelsior, il y a plein d'autres cinémas, et ce jeune garçon peut passer sa vie au cinéma, il n'y a pas la télé. Oui, c'est ça, il est tout à fait né dans les salles de cinéma, comme ça depuis tout petit il est allé. Et puis c'est vrai que dans le souvenir, les salles de cinéma sont indissociables des films qu'on y a vus, hein. Les choses sont très imbriquées. Et ce jeune homme qui est souvent seul, souvent rêveur, vit à travers les films une vie qu'il ne vivrait pas dans la réalité, jusqu'à ce que le roman commence. Jusqu'à ce que la réalité fasse irruption. C'est ça, elle le rattrape. Ouais. Au fond, on pourrait dire que l'Excelsior, c'est l'écran qui descend, si j'ose dire, c'est les personnages qui sautent de l'écran dans la salle, un peu comme dans le film de Woody Allen, sauf qu'ici, c'est, la tonalité est sans doute plus sombre et plus noire. Il y a un autre aspect aussi, c'est celui de Dream On, c'est ce feuilleton américain qui n'a rien à voir dans les événements, dans le déroulement des événements, mais où le héros, le personnage principal, voit se superposer tout d'un coup dans les événements qu'il vit l'image d'un film. Ah, ça c'est une très bonne idée, c'est très amusant, je ne connaissais pas. Dream On, ça passe sur Canal Jimmy. Ah bon, je vais regarder, je suis abonné, mais je n'ai jamais vu ça encore. Vous voyez, mais c'est quand même des... Mais c'est une bonne idée, c'est drôle. Alors, en fait, c'est une obsession, c'est vrai qu'à cet âge-là, on vivait dans le cinéma, par le cinéma. Et il y a une notation extraordinaire, c'est ce jeune garçon qui se met des cosmétiques sur les cheveux parce qu'il a remarqué que dans les films américains de préférence, les vedettes sortaient du lit toujours bien coiffées le matin. Mais oui, c'est toujours frappant, c'est le maquillage. D'ailleurs, il n'y a pas forcément que les films américains les plus anciens. Dans certains films français plus modernes aussi, on a l'impression que les acteurs sont trop bien maquillés et peignés. Et dans les très modernes, on a l'impression qu'ils ne se sont jamais peignés. Ah, c'est ça, c'est peut-être le contraire. C'est l'inverse. Oui. Hein. C'est peut-être pour ça que le cinéma ne marche plus si bien. C'est ça, il y a une distance. C'est bien ce que vous dites, parce que par rapport au livre, c'est un livre qui ne pourrait pas se passer dans une autre époque que dans les années 60. Parce que je suppose que déjà, la cinéphilie n'est plus la même ou elle n'existe plus. Est-ce que l'on demande au cinéma aujourd'hui, ce que le spectateur demande n'est pas exactement, il ne le vit pas probablement avec la même passion que ce qu'on vivait dans ces années-là, si oui. Vous voulez. C'est un livre un peu de nostalgie, bien que je sois assez farouchement en contre la nostalgie, mais en tout cas, dans le roman, il y a une part de nostalgie quand même, bien que je m'en défende. Dans l'extrait que nous venons d'entendre, Michel Grisolia, c'est une présentation des personnages. Donc ce jeune homme, le narrateur, se fait appeler d'un faux nom, comme dans un film. Il s'appelle Fox et le personnage plus âgé, qui est visiblement un personnage un petit peu marginal, et très marginal même, Quilby. Et alors ils vont jouer sur cette dualité entre le cinéma et la réalité. Mais enfin, il y a quand même une réalité, c'est que là, on l'a vu... Il y a un meurtre qui se prépare et cet homme va quand même réellement tuer l'amant de son ex-femme, ex-maîtresse. C'est en tout cas ce que, dans un premier temps, il raconte au jeune homme. C'est-à-dire que la relation entre ce jeune homme qui rencontre donc cet homme plus âgé dans une salle de cinéma, la relation au début est faite de crainte et de fascination. Et puis, il faut bien voir que le personnage âgé teste un peu le plus jeune et lui raconte des choses. Alors, on ne sait jamais vraiment si c'est la réalité qu'il a vécue en Angleterre ou dans d'autres pays du monde. Ou s'il est un petit peu mythomane et s'il... s'il fait du cinéma, parce qu'il a en face de lui un spectateur très, très disponible et privilégié, en quelque sorte. Alors c'est ça qui fait un peu la relation, c'est basé à la fois sur la fiction, puisque l'un et l'autre ont vu beaucoup de films, le personnage le plus âgé aussi, on sent bien ça, je pense. Ils ont une culture en commun. Ils ont une culture, à tel point que lorsque le personnage plus âgé raconte un certain nombre de choses, le plus jeune lui dit « ça je l'ai déjà vu dans un film », ou bien cliché, comme ça, il se guette un peu, une espèce de provocation, et le jeune homme va prendre en quelque sorte en main la destinée du personnage plus âgé, et il va au fond être le messager, un peu le go-between entre le personnage de Monsieur Quilby et la femme qu'il a beaucoup aimée et dont il a tué ou dont il aurait tué le compagnon actuel. Voilà. C'est ensuite que la réalité nous a repris. Après, lorsque Monsieur Quilby et moi nous nous sommes retrouvés à l'intérieur du Grand Café... Le Grand Café, ce fut une autre fois. Ce samedi, il est sorti le premier sur le trottoir, a regardé selon la coutume à gauche, puis à droite, et m'a fait signe de le suivre. 20 minutes plus tard, il m'entraînait dans la porte à tambour du Negresco. Je n'y étais jamais entré, pourtant... Le hall, les bouquets de fleurs, le personnel même, j'avais l'impression qu'il m'était familier, car le Negresco servait de décor à beaucoup de séquences de films, sans aucun doute pour faire rêver le public. D'office, M. Quilby s'est dirigé vers un salon en rotonde. D'office, il nous a commandé du thé. Qu'est-ce que vous avez fait tantôt, M. Quilby ? Oh, on peut appeler ça une bêtise. Autour de nous, des vieilles dames, peut-être un jeune couple en voyage de noces. Monsieur Quilby n'a même pas attendu que le serveur se soit retiré. Les arcades du casino, des voitures garées le long du trottoir, une décapotable décapotée, sur la banquette arrière, laissée à la vue de tous, une toile, un tableau. C'est un portrait. Un portrait de femme correctement exécuté sans plus. Mais pour moi, c'est une sorte de chef-d'œuvre, parce que la femme est un sosie d'Irène. Tout y est. La chevelure, les yeux verts, les sourcils hauts, cette espèce de sourire qui accueille et refuse en même temps la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne m'interromps plus, sinon... Il a regardé vers la mer, à travers les doubles fenêtres. J'ai saisi la toile, je l'ai posée devant moi contre un des piliers de l'arcade. Est-ce qu'on m'observait ? Je t'avoue que je n'en avais cure. J'ai sorti mon briquet, je me suis accroupi. Et j'ai mis le feu au tableau. Ça a pris tout de suite, tu me crois ? j'ai répondu d'un hochement de tête. Irène Biancone brûlait devant mes yeux, et j'ai même senti près de mon visage la chaleur des flammes. J'y serais encore à contempler les cendres, s'il n'y avait eu des cris. À la station de taxi d'en face, quelqu'un m'avait vu faire, chauffeur ou client. La fumée noire me picotait les yeux, mais ça m'était égal, tu sais. Peu à peu, les traits d'Irène se sont effacés et elle a disparu dans le feu. Alors ils ont commencé à s'approcher, se demandant si j'étais fou, un fou dangereux. Il tapota son blouson à la hauteur de son cœur. Je pourrais l'être, mais j'ai choisi de ne pas l'être. Et je me suis mis à courir. Ne me demande pas comment je les ai semés. J'ai l'habitude, voilà tout. J'ai avalé une gorgée de thé. Il y avait vraiment deux flics à nos trousses tout à l'heure? Si on te pose la question, tu diras que t'en sais rien. Une expression en vogue ces années-là. Bon, oublions ces bêtises. Alors dis-moi, tu l'as vu? Cette histoire de tableau dans les flammes, était-ce la vérité? Une invention? Peu importe qu'il ait brûlé son amour en effigie ou qu'il en ait eu seulement le désir. Maintenant, il exigeait des nouvelles d'elle. Il devait nous avoir suivis des yeux lorsque nous étions entrés dans le petit café en contrebas face à l'Excelsior. Tu l'as vu? De la tête, j'ai répondu oui. Comment la trouves-tu? Un visage qui mérite tout, sauf le feu, monsieur Quilby. Mais encore? Triste. Malheureuse et triste. Vous avez mis sa vie en miettes. Sur une sorte d'estrade, tout au fond de la salle, en rotonde, on installait des instruments de musique, un micro à pied. Il y aurait ce soir un mauvais chanteur pour des hommes et des femmes qui ne l'écouteraient même pas. Parfois, je faisais semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. Une ruse particulièrement idiote quand on est fils de docteur, et mon père me disait que je finirais comme ça, chanteur ou musicien des rues, ou dans un dancing, ce qui, à ses yeux, était du pareil au même. Michel Grisolia, dans l'Excelsior, d'abord ce jeune homme... qui s'appelle Philippe, mais on ne le dit qu'une fois. En fait, il s'appelle Fox. Oui, parce qu'ils se sont donné des noms. Alors, des noms un peu à consonance anglo-saxonne, étant donné qu'ils aiment beaucoup l'un et l'autre les films américains ou les films anglais. Et puis, alors, Quilby, ça fait un peu espionnage. Ça, je ne sais pas d'où ça me vient, probablement. Parce qu'il y a Philby, oui, c'est ça. Et puis, probablement, dans Graham Greene, il y a des noms qui sonnent un peu comme ça. C'est un roman qui se revendique un peu comme ça. Le petit jeune, le narrateur, il a quand même eu des expériences de cinéma français, puisqu'il a vécu le blé en herbe, n'est-ce pas? Puisqu'il était l'amant. Voilà. Sa première expérience sexuelle et amoureuse, l'amant d'une professeuse. D'une femme professeure de français à Nice, voilà. Et alors ça lui a laissé une certaine douleur et Il sait de quoi il parle. Voilà, exactement, c'est ça. Il a déjà vécu ça et quand il rencontre le personnage plus âgé qui a connu une douleur plus profonde, il peut d'autant mieux le comprendre et s'identifier à lui, si vous voulez. C'est ça aussi qui les rapproche, je pense. Et le personnage plus âgé voit en lui le jeune homme qu'il a été peut-être à une certaine période. C'est très classique. Alors la chose, en écrivant, en tout cas on ne se rend pas bien compte parce qu'on écrit beaucoup avec l'inconscient, la chose quand même dont je me suis aperçu, c'est que on ne sait jamais si le jeune homme qui est le narrateur a vraiment rencontré ce personnage de Monsieur Philby dans l'espace du livre ou si c'est un fantasme. Au fond, si c'est le compagnon idéal qu'on aurait aimé connaître, l'ami qui est à la fois le grand frère ou le père. Si oui, mais il n'y a pas de père, il y a une mère. Il n'y a pas de père, il y a une mère. Le père est mort, hein, c'est important voilà, aussi. Voilà, et ça c'est très important. Ça c'est important. Parce qu'en fait, c'est le père putatif. C'est le père putatif, c'est l'homme qui va lui tendre le relais pour aller dans la vie, pour sortir définitivement de l'écran. Au fond, il est le jeune homme, Philippe ou Fox, comme vous voulez. Le jeune homme est à un moment où il va sortir du cinéma, si vous voulez. Et là, le cinéma le rattrape un peu, puisqu'il va vivre en 3 jours. L'action se passe donc à Nice. En 3 jours et 3 nuits, c'est important, je pense, les nuits, parce que c'est un roman un peu nocturne. Il va être rattrapé une dernière fois par ce cinéma qu'il a beaucoup aimé et qu'il aime, au fond, une dernière fois avant d'entrer vraiment dans la vie. Oui, c'est un rite de passage. C'est un rite de passage, oui, je crois que c'est ça. Ouais. Oui. Il y a d'ailleurs des rites, il y a la scène du cimetière, par exemple, où il y a une sorte de cérémonie nocturne avec, déjà, on sent se dessiner le monde futur. Il y a des petits germes comme ça. L'homme assassiné est directeur de cinéma et la femme aussi. Et il dit, c'est les dernières années, ça va mourir. Oui, oui, oui. C'est donc un monde qui meurt. C'est une enfance qui meurt, une jeunesse qui meurt. C'est un adieu à l'enfance. Et puis c'est aussi un monde qui meurt, ce monde du cinéma qui nous envahissait. Oui, exactement. Et puis c'est aussi le monde de la douceur de vivre, peut-être de Nice, parce qu'il y a déjà les petits fascistes qui arrivent. Ils sont là aussi, déjà à l'époque. Il y a les immigrés, parce que c'est après 62. Oui, c'est absolument. Il y a les rapatriés. Il y a les rapatriés qui sont arrivés. Donc ça bascule, c'est une bascule. Ah oui, tout à fait. Comme je vous disais, ça ne peut se passer que là. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment ça me serait venu. Et non, je crois que aujourd'hui, c'est impossible. D'ailleurs, ne serait-ce que physiquement, géographiquement, il n'y a plus ces salles-là. Les cinémas sont à Nice, il n'y a plus ça. Moi, quand j'y vais, je regrette un peu aussi. Ni à Nice, ni ailleurs. Ni à Nice, ni ailleurs, ni à Paris, ni dans le monde. La gare d'autobus. Nous avons eu un quart tout de suite. Durant le trajet, pas un mot. Cette fois, M. Quilby ne m'a pas paru être en prière. Ses lèvres ne remuaient pas. Nous avions près d'une heure d'avance. Alors nous nous sommes fait arrêter devant le casino et les jardins. Soudain, parce que je le devinais perdu dans ses pensées trop sombres, j'ai osé lui parler de moi. C'était, comme on dit, en situation. Il y a 3 ans, on tournait un film dans ces jardins, un film américain, « Le Grand-Duc et l'Héritière ». Un de mes copains de classe avait lu dans un journal qu'on engageait des jeunes figurants. Alors nous sommes venus nous présenter. Une scène de réception en plein air, on avait dressé des buffets. Jamais je n'aurais pensé qu'il fallait attendre autant. On a eu un peu d'argent. Je crois que ce n'était pas un très bon film. Il m'avait écouté, seulement pour me faire plaisir, je suppose. Tu l'aimes depuis quand, le cinéma ? J'avais 8 ans, quelque chose comme ça. À 8 ans, moi, j'étais déjà tout seul dans les rues. Un jour, mon père et ma mère, qui avaient déjà 5 enfants, m'ont laissé à un voisin. Nous vivions en banlieue et ce voisin n'avait pas d'enfant. J'ai jamais très bien su comment ça s'est passé. Mais mes parents m'ont cédé à cet homme. Oui. Tu entends bien. Vendu. Pourquoi cette confidence ? Et pourquoi maintenant ? Il avait sans doute raison lorsqu'il m'avait dit qu'il serait toujours un enfant. Tout d'un coup, cet enfant avait peur, parce que le moment était proche où il reverrait Irène Biancone. Ce n'était pas si grave, tu sais. Cet homme s'est très bien occupé de moi. Mes nouveaux parents, devrais-je dire, car cet homme avait une femme... qui n'avaient pas pu avoir d'enfants, des gens riches. Bientôt, ils ont vendu la maison où nous habitions, la seule belle maison de ce coin de banlieue dans l'est de Paris. Et ma vie de voyage a commencé, le Portugal, l'Uruguay, le Venezuela. Nous étions descendus sur la plage, nous regardions la Villa Kérilos. Ensuite, mon père de substitution est mort, sa femme a dû vendre assez rapidement la quasi-totalité de ses biens, pas seulement en France. Et puis, elle a fini par rentrer dans une maison au Canada. Un hospice pour les personnes qui souffrent d'une maladie du cerveau. J'avais atteint l'âge où je devais prendre une décision, je l'ai prise. Ce fut la fuite. La fuite en avant. Et ça ne s'est plus jamais arrêté. J'étais parti de la rue et j'y retournais après une halte privilégiée de quelques années. Grâce à elle, au moins maintenant, je suis à l'aise dans tous les milieux, mais je n'en aime aucun. Un silence est suivi. Cette histoire était-elle plus ou moins vraie que les autres ? Et toi, Fox, tu m'as dit que tu ne resterais pas toujours à Nice, mais aimerais-tu voyager ? Oui et non. Le cinéma te suffit, c'est ça ? Oui. Et comme cela ne suffisait pas, J'ai déjà beaucoup voyagé, Monsieur Quilby. Oui, j'ai compris. L'Amérique? Ah, je dirais La fièvre dans le sang. C'était un film du metteur en scène Elia Kazan que je n'aurais pas choisi de voir s'il n'y avait eu Hélène. J'aurais bien voulu faire l'amour avec elle à l'arrière d'une voiture américaine, comme dans le film, devant l'écran d'un drive-in. L'Inde? Le tigre du Bengale et le tombeau hindou. L'URSS? J'ai fait une grimace. Alexandre Nevsky. Encore un choix d'Hélène. Je m'y étais ennuyé et je le lui avais dit. Alors elle m'avait répondu qu'il faut savoir s'ennuyer, que parfois cela en vaut la peine. L'Italie? Monsieur Quilby lançait un nom de pays et ne faisait aucun commentaire. Là, j'aurais pu citer un film d'aventure tel que ceux qu'il m'était arrivé de voir en compagnie de Peplum, Le navire des filles perdues par exemple, ou encore des comédies, Vacances à Ischia, Par-dessus les moulins. Mais ces films-là, je l'ai dit et redit, s'étaient éloignés de moi. Alors, comme j'étais encore, malgré tout, un jeune imbécile snob, je lui ai répondu « L'Aventura, Rocco et ses frères ». Méfie-toi de ne pas devenir un intellectuel. Qu'est-ce que vous avez contre les intellectuels ? Il a eu un bon rire. Au fond, rien du tout. Mais c'est tellement facile d'en dire du mal. C'était Un livre des voix de Claude Mourtet. Aujourd'hui, L'Excelsior de Michel Grisolia aux éditions Flammarion avec Jean-Pierre Anet et Roger Coggio. Chef opérateur du son Simone Ronger, collaboration technique Pierre Monteil, assistant Patrick Molinier, réalisation Claude Chebel qui s'entretenait avec l'auteur. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 février 1995. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.